Il y a des morceaux qu'on reconnaît en une seconde, pas à cause de la voix, pas à cause des paroles, mais à cause du son en lui-même. Un son sale, un son saturé, un son qui semble presque cassé, mais qui, justement, a tout changé. Aujourd'hui, dans cet épisode de Dans les coulisses du son, on ne parle pas d'une ville, on ne parle pas d'un groupe, on parle d'un grain sonore. Un son qui a transformé la guitare, un son qui a transformé le rock. On parle de la fuzz. Le morceau du jour, c'est The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, morceau très connu dans la scène musicale rock. Sorti en 1965, ce titre est devenu l'un des morceaux les plus iconiques de l'histoire du rock. Mais au-delà du riff, ce qui marque vraiment, c'est le son de ce riff. Ce son un peu sale, un peu compressé, presque saturé à l'extrême. Ce son, c'est la fuzz, ou la fuzz, tu le prononces comme tu veux. À l'origine, la guitare électrique est censée être propre, claire, maîtrisée. Mais un jour, un accident technique va tout changer. Un son déformé, inattendu va apparaître. Au lieu de le corriger, certains musiciens vont décider de le garder, et même de le reproduire. C'est comme ça qu'est née la fuzz. Une pédale qui transforme le signal de la guitare en quelque chose de plus agressif, de plus dense, de plus rugueux. Un son qui ne cherche plus à être parfait. Un son qui assume d'être brut. Ce qui est fascinant avec Satisfaction, c'est que le riff n'était pas censé être joué comme ça. Au départ, il devait être une idée temporaire. Un guide pour des cuivres, mais le son de la fuzz a tout changé. Le riff est devenu central, le son est devenu signature. Et au lieu de remplacer la guitare, ils l'ont gardé. Résultat, un des riffs les plus reconnaissables de tous les temps. Comme quoi, parfois une erreur peut devenir une révolution. Et je te passe ce morceau tout de suite sur Bisoy. I tried. La fuzz que tu as entendue dans ce morceau, ce n'est pas juste un effet, c'est une nouvelle manière de penser la musique. Avant, on cherchait la propreté, la précision et le contrôle. Après, on accepte le chaos, la texture et l'imperfection. Et tout ça va ouvrir la porte à du rock plus lourd, du garage rock, du punk, du grunge et même ouvrir la porte au métal. Sans la fuzz, une énorme partie de la musique que tu entends aujourd'hui sur Bisoy n'existerait pas de la même manière. Le tout premier son de fuzz reconnu vient d'un accident en studio. Une console abîmée qui a déformé le son d'une guitare. Et au lieu de jeter la prise, ils l'ont gardée. Et quelques années plus tard, des ingénieurs ont essayé de recréer ce défaut volontairement. Comme quoi, dans la musique, les plus grandes innovations ne viennent pas toujours de la perfection, mais des accidents. Chez Bisoy, ce genre de détail, c'est essentiel. Parce qu'on ne diffuse pas juste des morceaux. On diffuse des sons, des textures, des identités. Et derrière chaque titre, il y a des choix, des accidents et des idées qui changent tout. La fuzz, c'est exactement ça. Un détail qui devient une signature. Dans le prochain épisode de Dans les coulisses du son, on va encore changer de perspective. On va s'intéresser peut-être à une époque où la musique devient une attitude. Ou alors à une image, à un mouvement, à quelque chose qui dépasse le son lui-même. Et si tu dois retenir une chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Parfois, ce n'est pas la note qui change la musique, c'est la manière dont elle sonne. À très vite pour un nouvel épisode de Dans les coulisses du son.